Lors d'un mariage, si les femmes et hommes sont séparés, peut-on écouter la musique? Alors, le jugement de la musique, yani la musique en islam, la position est très claire. Que ce soit du Coran, de la sunna authentique, de la parole des compagnons et de la parole des quatre imams. Et la musique en islam est totalement interdite, haram. Parce que, comme Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, Al-ghina yunbitu an-nifaq fil qalb. La chanson, la musique plante l'hypocrisie dans le cœur. Et les cœurs ne doivent être qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, dans Sourate Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 6, où, dans la traduction de sens du verset, il y a des gens qui prennent de plaisants discours pour dévier les gens du droit chemin. Eh bien, l'ahw al-hadith, dans ce verset, les plaisants discours, Abdallah ibn Abbas anhuma, a dit, l'ahw al-hadith, ça concerne le shirk, le polythéisme, les chants et la musique, et les paroles de dunya qui ne servent à rien. Abdallah ibn Mas'ud anhu, a juré trois fois par Allah, Wallahi, Wallahi, Wallahi, l'ahw al-hadith, huwa al-ghina. Les plaisants discours, c'est la musique et les chants. Et Abdallah ibn Omar, radiallahu anhu, a dit que le verset qui correspond, donc dans Sourate Luqman, verset 6, l'ahw al-hadith, le terme l'ahw al-hadith, les plaisants discours, eh bien, il a dit ça correspond aux musiques et aux chants. Et entre parenthèses, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient pour détourner les gens du Coran et de la façon d'écouter du Coran ou de lire du Coran? Ils regroupaient les gens et ils leur racontaient les histoires des Romains. Pour comme ça, ils vont rester occupés à ça, ils ne vont pas écouter les paroles d'Allah. C'est pour ça, tous ceux qui sont dans la musique, qui se sont convertis à l'islam ou qui sont musulmans et qui pratiquent cette musique-là, l'imam Malik, rahimahullah, a été très dur dans la position avec ceux qui chantent. Il a dit, ce ne sont que les faussaires. Comment on dit en français les faussaires? Ceux qui se rebellent contre Allah. Les gens vulgaires, ceux qui se rebellent contre Allah, qu'ils le pratiquent. Il n'y a que ces gens-là. Et c'est une question que j'avais posée à l'un d'eux. Et je lui ai dit, que préfères-tu? C'est quelqu'un qui est connu et qui vend des CD, tout ça, de musique et tout ça, qui prétend défendre l'islam, entre guillemets. Mais comme on avait dit, le but ne justifie pas les moyens. Allah supporte la cause de ceux qui supportent la cause d'Allah. Qui sont-ils? الذين إن مكناهم في الأرض ceux à qui on leur a donné un pouvoir sur terre أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ceux qui établissent la prière, qui donnent la zakat, qui commandent le bien et interdisent le mal. Et donc je lui ai dit, préfères-tu que les gens écoutent le Coran dans leur voiture ou écoutent ta musique? Parce que si tout le monde se met, tous les musulmans se mettent à écouter le Coran et n'achètent plus ces CD de fisc, eh bien, ils sont ruinés, ces gens-là. Donc qu'est-ce que tu préfères, toi? Pourquoi tu passes ton temps dans la production à enregistrer, à écrire des textes? Tu veux quoi? Tu veux que les gens t'écoutent, toi, ou écoutent les paroles d'Allah et connaissent leur religion? Le succès, on l'a que lorsque l'on suit la religion qu'Allah a légiférée. Tu ne vas pas avoir de succès si toi-même, tu ne pries pas cinq fois par jour. Comme un frère m'avait dit, lorsqu'il s'était passé, que j'avais déjà mentionné la dernière fois, sur des gens, ils voulaient faire une manifestation parce que le prophète a été insulté, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, je lui ai dit, je suis sûr qu'il y avait des gens qui ne priaient même pas, qui participaient à cette manifestation-là. Et oui, regarde ce qui se passe dans le monde. Subhanallah, regarde l'état des musulmans dans le monde. Où est-ce que tu vois, ils sont humiliés. Subhanallah, ce hadith il est rapporté par Thawban, radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yushiku al-umam an tada'a alaykum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Les nations vont bientôt se réunir autour de vous comme des gens qui voudraient sauter. Il y a une assiette à manger de nourriture et les gens voudront venir dessus pour manger. De cette façon-là, ils viendront sur vous. قال قائل منهم أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله L'un des compagnons dit, serait-ce au messager d'Allah parce que nous serons minoritaires? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Antum yawma idhin kathir, walakin kathratun ghusa'u ka ghusa'i as-sayl. Vous, non, vous ne serez pas minoritaires. Un jour vous serez nombreux, mais vous serez si faibles. Comme il a comparé en fait cette faiblesse-là à l'écume qui est, lorsque vous voyez par exemple un fleuve d'eau, une rivière d'eau, cette mousse qui est au-dessus de l'eau. Faible comme ça. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ رَحْبَ مِنْكُمْ مِنْ قُلُوبِ أَعْدَائِكُمْ وَلَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْوَهْنُ قَالُوا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَهِيَةَ الْمَوْتِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous serez majoritaire, vous serez très nombreux, vous serez très nombreux, plutôt le correct terme, mais vous serez très faibles. Et Allah enlèvera la peur des cœurs de vos ennemis qu'ils avaient pour vous. Yani, vous craignez vos ennemis, et bien Allah il va enlever cette peur qu'ils avaient de vous. Et mettra, plantera dans votre cœur le wahn. Ils ont dit, c'est quoi le wahn au messager d'Allah? C'est l'amour de cette vie et détester la mort. Voilà. La faiblesse du musulman, elle en est où? La dunya. Oublier la mort. Tu parles à quelqu'un, tu veux lui rappeler la mort. L'autre, ne parle pas de la mort. Wallah. Tu crois que tu vas t'échapper ou quoi? Personne ne peut fuir d'Allah, ya akhi. C'est une réalité. Personne ne peut fuir d'Allah. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Et craignez le jour où vous reviendrez devant Allah. Tu devras rendre des comptes. Donc pourquoi en fait on va se mettre dans des problèmes avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous observe constamment. Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah vous observe constamment. Il sait ce que tu penses, il sait ce que tu vas faire, il sait ce que tu as fait, il sait ce que tu vas dire, il sait ce que tu dis et ce que tu fais. Subhanallah. J'avais donné un exemple, walillah al-mathal al-a'la, et pour Allah le meilleur des exemples. Si tu viens pour faire une mauvaise action devant ton père, t'as honte. Dire des gros mots, Allah, dire, il y a des filles qui passent, envie de regarder ou quoi que ce soit. T'as honte, parce que ton père, il te regarde. Ça, c'est ton père que tu lui donnes le respect. C'est quelque chose de normal. Mais qu'en est-il d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ne dort pas, et qui t'observe constamment, et il sait ce que tu fais? Il n'a pas honte de ça. Alors que c'est pas nos parents qui nous ont donné le fait qu'on respire, le fait qu'on fait les choses, et tout ce corps. C'est Allah qui nous l'a donné. Pourquoi cette injustice? Pourquoi refuser de se soumettre à celui qui nous a créés? Subhanallah, si ce n'est pas de l'arrogance. Car l'arrogance, comme on avait dit, lorsque les compagnons ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant, mais l'homme aime bien s'habiller au messager d'Allah. Il dit, non, ce n'est pas ça l'arrogance. L'arrogance, c'est refuser la vérité et regarder les gens de haut. Allahu musta'an. Et donc, on avait dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith est dans Sahih al-Bukhari, que des gens de ma communauté vont rendre licite al-hira ou al-harir. Al-hira, ça veut dire la fornication. Al-harir, c'est le port de soie pour les hommes. Ou al-khamr ou al-ma'azif. Et la consommation d'alcool et les instruments de musique. Donc dans le Coran et la Sunna, c'est interdit la musique. Et d'ailleurs, l'une des positions, c'est dans le madhab al-Hanafi. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, avait une position, c'était en fait, pour être plus clair et plus précis, inshallah, c'était en fait les étudiants de l'imam Abu Hanifa, dans le madhab al-Maliki, dans le madhab al-Hanafi, de Abu Hanifa, qui avait cette position que si tu entends de la musique venue d'une maison de quelqu'un, tu rentres dans cette maison sans frapper. Pourquoi? Il avait dit parce que tu ne respectes pas une personne qui agit de cette sorte. Parce que normalement, un musulman, il doit frapper à la porte. Il a dit, eh bien, tu rentres. Et d'autres ont dit, tu rentres et tu casses l'instrument qui fait ce bruit-là. Subhanallah. Bon, ça c'est, tu vois. Donc, ce qu'il y a, c'est que lors d'un mariage, qu'est-ce qui est autorisé? Eh bien, ce sont les femmes qui font du duf, c'est le tambourin. Et c'est entre elles. Et lorsqu'elles font pas des chants qui mènent à des pensées un peu bizarres, mais qui sont honorables, ce sont les femmes qui font ça, et ce sont les femmes qui font le dof. Aujourd'hui, dans le pays, c'est les hommes et le mezoued et je ne sais pas quoi. Tu vois? Et donc, ce qu'il y a, c'est que même si elles font ces chants-là, les femmes, les hommes ne doivent pas entendre leur voix. Donc, les hommes sont entre eux. Ça. Mais pas de musique, ça, c'est interdit, c'est haram. Et d'ailleurs, l'imam Al-Qayyim, rahimallah, a dit que l'écoute de la musique est l'une des causes de Azab al-Qabr, du châtiment de la tombe. Il avait donné une anecdote d'un homme qui passait son temps à écouter de la musique. Et lorsqu'au niveau de... il allait mourir, ils ont ramené quelqu'un pour lui faire le rappel. Il dit, « Ya fulan, qul la ilaha illallah. Oh un tel, dis la ilaha illallah avant de mourir. » Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, celui qui, la dernière chose qu'il dit, c'est la ilaha illallah, et il meurt, et il rentre au paradis. Donc il disait, « Un tel, dis la ilaha illallah. » Et l'homme, il faisait tantana, tantana, tantana. Il répétait en fait le rythme qu'il avait de la musique. Ou un tel dit la ilaha illallah, tantana, tantana. Il est mort en faisant ça. Subhanallah. Tu vois pourquoi, yani, la personne, lorsque elle n'a pas son cœur qui est attaché à Allah, qui fait du dhikr, qui se rappelle d'Allah, qui est en bonne compagnie. La bonne compagnie, c'est quoi? Je vais voir un frère, il va me rappeler quelque chose. Il va me conseiller d'un truc pour me corriger. Je vais lui rappeler quelque chose. Yani, ça va être que du donnant-donnant bénéfique. Subhanallah. C'est pas je vais aller avec eux et puis ils vont salir mes vêtements. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comparé la bonne compagnie et la mauvaise compagnie, comme avec la bonne compagnie, c'est comme si tu rentrais dans un hanout, un shop, un magasin, un peu d'une boutique, où est-ce qu'ils vendent du parfum. Eh bien, soit tu ressors, tu as senti une bonne odeur, soit il va te mettre un peu de parfum. Donc, il n'y a que du quelque chose qui est bénéfique. Mais si tu as une mauvaise compagnie, les gens ils ne disent que des vulgarités. Ils traitent, ils jurent par la tête de je sais pas qui. Ils ne parlent que de musique, que de je sais pas quoi, que de rap, que de je sais pas quoi. C'est faux combat qui ne mène à rien. Eh bien toi, ça va te salir. Et le truc c'est quoi? C'est que aimerais-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit dans ces conditions? Tu es entouré de gens comme ça, qui font des mauvaises choses, qui fument, qui font je sais pas quoi, qui trafiquent je sais pas quoi, et qui mettent de la musique. Tu crois que t'es bien, tu crois que t'es... Et les gens, ils prennent des photos, ils regardent comme ça de haut, des photos vues d'en bas, se disant, intouchable. Wallahi, Ahri, t'es rien. Wallahi, l'Abim, t'es rien. Je te jure. Les kiri sur Taha, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا. Il te demande, il te pose des questions sur les montagnes. Dis-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pulvérisera. Les montagnes. Tu te mets à côté d'une montagne, tu n'apparais même pas. Si tu montes en haut, on voit à peine un petit point. Tu as les cheveux noirs, peut-être on va voir un petit point noir. Et les gens, ils croient soi-disant, un état intouchable, je sais pas quoi. Je disais au frère, Eric, c'est un faux combat, ça. C'est un faux combat. Le racisme, la discrimination, le je sais pas quoi. On n'est pas là, ils ne nous aiment pas, on les aime, ou je sais pas quoi. Ça mène à rien. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent faire croire aux gens d'oublier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Ils vont te dire, ouais, je sais pas quoi, salat, et ils vont te suivre. Ils vont te suivre leurs termes avec des mots, a'oudou billah. C'est ça la droiture. C'est ça le chemin à suivre. C'est ça être bien. Les gens qui soi-disant font du rap pour faire de la da'wah. NAP, Médine, je sais pas quoi. Ils disent, oui, c'est pour représenter les musulmans, on représente, personne ne représente. Mais on se fiche royalement, quelqu'un nous représente ou ne représente pas. Et tu vas dans ta tombe, le jour du jugement dernier, tu vas dire, qui c'est qui me représente? Subhanallah, tu vas être tout seul, ya Ahi. Tout seul. Donc, ces faux combats-là, ils veulent en fait faire croire aux gens que d'oublier en fait le sixième pilier de la foi, qui est croire au destin, bon ou mauvais, mais il provient d'Allah. Eh bien, ils vont te dire, oublie, efface ce pilier-là, et sache que ton destin dépend en fait d'eux. C'est parce qu'il est raciste, donc j'ai pas eu ce poste. C'est parce que la discrimination, c'est parce qu'il m'aime pas, c'est parce que je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, Ehri, Wallah el Arim, tu peux être devant le pire des racistes de toute la planète. Si Allah il a écrit que tu auras ce poste-là, tu l'auras. Ce qui t'a été, comme c'est rapporté dans les hadiths authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui t'a été destiné, ne te rattrapera pas. Et ce qui ne t'est pas destiné ne te touchera pas. Nous, Yahri, nous sommes musulmans. Et si vous êtes musulmans, eh bien, Yahri, on doit vivre pleinement notre religion. C'est un honneur. Alhamdulillah. Nous, on place notre confiance en qui? En Allah. On ne place pas notre confiance aux gens, soi-disant, qui peuvent nous, soi-disant, prendre ou pas pour leur travail. On se fiche royalement de ça. On se fiche royalement de ça. Nous, notre confiance, on la place en Allah subhanahu wa ta'ala et on croit au destin, bon ou mauvais, mais qui provient d'Allah. Et c'est un test. On se dit, nous sommes testés dans cette vie-là. Donc si on passe des périodes difficiles, nous devons être patients. Et nous devons lire le Coran et se rappeler de la parole d'Allah. لَتُبْلَأُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Vous serez testés dans vos biens et vos personnes. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. Et vous entendrez de ceux qui ont reçu le livre avant vous et de ceux qui associent à Allah, vous entendrez d'eux beaucoup de mauvaises choses. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et si vous patientez et craignez Allah comme il se doit, c'est la meilleure résolution à prendre. Voilà. Il faut arrêter de vivre sur un nuage et d'être dans des faux combats et des fausses visions en croyant qu'on doit être comme ça ou appartenir à je ne sais pas quoi.